Ce nouvel épisode de À l'affiche. Alors, on va commencer par présenter ceux qui sont autour de la table ce soir pour parler avec moi. Donc, on va commencer par un petit nouveau. Bonsoir, Aldra. Bonsoir. Et puis, on retrouve un habitué déjà. On retrouve Steph Core également. Bonsoir, Steph Core. Bonsoir à tous les deux. Heureux de voir que À l'affiche tente le triolisme. Ça m'intéresse d'un coup de plus en plus de participer à l'émission. Ah un petit plan à trois. Ça manque de filles quand même. Ah écoutez. Je serais pas contre un quadruplé moi. Je ne suis pas contre, hein. Si des filles qui nous écoutent et qui seraient motivées, qu'elles me fassent signe, hein. On discuter d'un film, peu importe, je suis preneur, mais dans le monde du podcast, c'est principalement des garçons, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu malheureux, ouais, c'est clair. Donc, alors, on va aborder le film, le sujet de l'émission. Alors, à l'affiche de l'émission ce soir, ce sera le film Jour de tonnerre, sorti le 24 octobre 1990. La musique est de Hans Zimmer, avec le réalisateur Tony Scott, qui est le frère de Ridley Scott. Merci de me l'avoir rappelé un tout petit peu avant en off, sinon j'aurais pas du tout percuté alors que ça semblait évident. Et avec en acteurs principaux Tom Cruise, Nicole Kidman et Robert Duvall. Quelque chose à rajouter peut-être ? Non, en l'occurrence, un film à gros budget quand même, hein, pour l'époque, 1990, et c'était un budget de 60 millions de dollars, ce qui est assez énorme. On te demande où sont passés 70 millions de dollars. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tu le revoir 25 ans après, tu te dis, mais ils les ont mis dans leur poche, enfin, ils m'ont pas dit. Non, en fait, c'était pas du tout ironique. Mais... Ah ouais ? Ah non. Mais c'est en voyant le film, tu te dis que ouais, pour l'époque, c'était plutôt pas mal en fait. Ouais, tu vois tout de suite où est-ce que ça va, les 70 millions de dollars quoi. Donc, C'était 60. Mais en l'occurrence, je pense aussi que Tom Cruise était vraiment. Commençait vraiment à monter en acteur très fort. Il avait réalisé quelques années avant Top Gun et autres. Et donc, à mon avis, il y a aussi un bon petit cachet, un bon petit salaire qui est parti dans sa poche. J'ai pas l'enseignement. Mais ce qu'on disait tout à l'heure en off avec Steph Core, hein, c'est que une bonne partie acteur et une bonne partie aussi côté matériel et logistique, etc. quoi, donc, C'est sûr que c'est quand même un sacré film. Alors avant de détailler un peu plus l'histoire, je vous passer la bande-annonce pour vous mettre un peu dans l'ambiance, puis on se retrouve juste après. Je peux te poser une petite question? Comment je vais faire cette course? D'accord. Non, comment t'as fait pour vivre aussi longtemps? Il conduit bien. Pas difficile, il va au-delà des limites imposées par les lois de l'adhérence. De la mécanique, j'ai jamais vu ça. Je peux tout faire au volant d'une voiture. Je vais te dire la différence entre nous. Moi, je connais les limites. Tu veux que moi, je sois au stand et que toi, tu sois au volant? Tu te défends? Merci. On verra ce que tu vaux en course. Je sais plus comment faire pour attirer votre attention. C'est réussi. Je suis en train d'explorer ma forêt vierge. Venez, je vous emmène voir une course. Impossible. Je suis médecin. J'ai des malades à voir. Tu ne veux pas améliorer ta conduite? Quand on me parle voiture, j'écoute, mais personne ne peut me dicter ce que j'ai à faire. Évitez d'être pessimiste à son sujet. Il ne faut surtout pas l'effrayer. Il a besoin que vous le rassuriez sur son état. Après tout... Pourquoi est-ce que vous m'avez ignoré? Je ne vous ai pas ignoré. Vous êtes son médecin. Quand un pilote a eu son premier accident grave... Il perd une chose plus sérieuse que la vue, plus importante que les réflexes. perds ce qu'il a de plus cher au monde. J'ai couru avec les jambes cassées, des côtes brisées, les yeux qui me sortaient de la tête, prêts à exploser. Il perd le besoin. Le besoin vital de conduire à 300 à l'heure au bord de l'abîme. Il pense que tu es fini. Il faut combien de temps pour savoir si on est un as? Il faut que tu refasses une course. Ou si on a de la chance. Si tu remontes, c'est tout de suite ou jamais. Donc voilà, maintenant vous avez un peu plus une idée de quoi ressemble ce film. Alors on va faire un petit résumé du film pour commencer, un petit résumé de l'histoire. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un pilote qui s'appelle Cole Trickle, qui est joué par Tom Cruise, qui est un pilote automobile qui a beaucoup de talent, qui est recruté par un financier, quelqu'un d'assez riche, enfin bref, qui veut monter une équipe de NASCAR, de course automobile NASCAR. Et on va suivre l'évolution de ce pilote durant une partie de sa carrière, où on va suivre ses batailles en piste, ses problèmes amoureux, c'est une vie de pilote assez agitée quand même. C'est surtout le début de la carrière, en fait, c'est plutôt les... Le suit ses premiers balbutiements avec la NASCAR. Ouais, c'est ça. On le suit quand il est. C'est un petit jeuneau. Il arrive. Personne ne le connaît et il fait succès. Il plaît au public. Il plaît aux gens, quoi, aux financiers, aux sponsors. Et puis on va le suivre au fur et à mesure où on va découvrir qu'il a du mal avec. Il a du mal avec ce monde-là, quoi. Et puis ces duels en piste, c'est les quelques personnes, les pilotes qui sont son ennemi, hein, des pilotes qui sont son ennemi, qui va se batailler de manière assez conne, on peut le dire, mais bon, c'était plutôt sympathique quand même. Bah, on est dans l'archétype même du film des années 90, Tom Cruise qui interprète un pilote avec un ego surdimensionné, qui a juste l'envie d'être le meilleur absolument, et qui a beaucoup de mal d'être à l'écoute des anciens. Parce qu'il y a quand même Robert Duvall de présent qui devient son entraîneur. Et il a beaucoup de mal justement à l'entente à écouter ses conseils, pensant qu'il a en mode un petit peu petit con, avec la science infuse. Mais c'est l'archétype même du film des années 90, avec le jeune effronté qui se fait remettre de raison par l'ancien. En fait, c'est au début, c'est le gros diamant, mais c'est le diamant en brut. Donc, en fait, il y a des trucs qui vont pas. Donc, et c'est au fur et à mesure, il y a l'ancien qui vient le tailler progressivement pour qu'il soit bien joli, que ce soit vraiment le truc parfait, quoi. Donc, Mais tout ça sous la forme d'un bon film un peu classique au début, ça va bien. Au début, l'arrivée... Au début, ça passe si bien que ça, quand même. C'est vrai. Mais au début, ça va moyen, on va dire. Mais ça passe encore. Puis il y a un événement perturbateur. Et puis la fin du film, c'est le duel final, quoi. C'est ultra classique comme format d'histoire, j'ai trouvé. Mais ça m'a fait rire quand même, quoi. Quand tu vois le duel final, c'est pas le duel final contre la personne contre qui tu pouvais t'attendre au début, au final. Non plus, ouais. L'ennemi numéro 1 d'un côté, justement, change un peu après l'événement perturbateur dont tu parlais. Ouais, bah. C'est ça, c'est que durant le film, c'est vrai qu'il est hyper classique dans sa forme. Il est assez classique, mais c'est vrai qu'il y a quand même des petits ajustements scénaristiques que j'ai trouvé plutôt malin. Justement, comme tu disais, une confrontation qui se transforme et on s'y attend pas, quoi. On pense que ça va être du début jusqu'à la fin. Au début du film, on nous présente le gentil, le méchant, et on dit que cette confrontation va durer jusqu'à la fin. Et il y a des petits retournements qui font que justement, ça rend le film, on a une accroche, une petite accroche supplémentaire. C'est vrai que s'ils avaient conservé que ce format-là de rivalité propre et nette, j'aurais trouvé ça vraiment lassant. Que non, justement, après, ouais, comme tu dis, que ce soit le final, voilà, on tombe sur un film américain classique, donc avec une tension jusqu'aux derniers instants, quoi. Et quand même, aussi la présence à remarquer à l'époque, parce que moi, à l'époque, ça m'avait fait quand même surkiffer de Nicole Kidman. Je me demande même si c'est pas durant ce film-là que c'est pas créé la relation entre Tom Cruise et... je dis peut-être une bêtise, mais... Je n'ai aucune idée, mais je t'avoue que de Nicole Kidman, je n'ai plus l'image de elle maintenant, en 2015, dans les films des années 2000, et que, à l'image, tu m'aurais pas dit que c'était Nicole Kidman, j'aurais été incapable de caler un nom sur l'actrice. Parce qu'elle a, par rapport à, bah, c'est il y a 25 ans, donc forcément, elle a changé. Et, enfin, je l'ai pas reconnue, quoi. C'est assez bizarre, quand même. Et puis, ça fait drôle, hein. Oh, Tom Cruise en mode Geno. C'est un gamin, quoi. J'avoue, j'ai pas reconnu non plus. Ah, bah, c'est vrai que là, ouais. Bah, désormais, on a l'impression que ça fait 15 ans qu'il a pas bougé, quoi. Ce qui doit arriver à la soixantaine, et on a toujours l'impression qu'il. Ouais, qu'il il fait encore. Ça fait un pseudo beau gosse un peu. Ouais, maintenant. ouais. Et c'est vrai que c'est, mais c'est ouais, c'est vrai qu'il y a 25 ans, on le voit, mais au moins dans le film, même qu'il joue un, ouais, c'est un rôle un petit peu caricatural, mais sincèrement, il le joue très bien quand même. Je trouve que niveau acteur, on n'a vraiment pas à se plaindre. Que ce soit Tom Cruise ou Robert Duvall dans L'Entraîneur, le jeu d'acteur est vraiment bon. Perso, je l'ai trouvé bon, mais je sais pas vous ce que vous en pensez. Alors moi, il y a un truc qui m'a fait... Je sais, vous l'avez regardé en quel format? En VO, en VF? En VF, personnellement. Bah, j'ai vu VF et VO, donc j'ai vu les deux. Parce que je l'ai trouvé qu'en VO sur Internet, sur les quelques recherches que j'ai faites chez mon cousin américain. Et la VF, c'est une VF des années 90, quoi. C'est une VF... Oui, quoi. Ah, je peux te le confirmer, parce que c'est... heureusement qu'il y avait d'autres choses qui m'accrochaient, parce que le jeu des personnes qui ont fait justement les voix françaises était à la limite du passable, quoi. Donc, Et puis, un truc qui m'a fait rire, c'est genre t'as deux voix, genre, enfin deux acteurs qui se parlent, et t'as l'impression que t'as un acteur qui était genre dans son studio à enregistrer ça, donc le son qui est bien propre et tout, et l'autre on dirait qu'il est pas dans la même pièce, tu vois. Qu'il y a pas une égalisation dans les sons, et ça en devient drôle, au final on l'oublie, mais je trouvais ça assez fun, et tu fais, on retrouve bien quand même le film des années 90, enfin c'est, il a tous les codes du film classique de l'époque, quoi. C'était assez drôle. Et puis, il y a des phrases, je sais pas si elles sont comme ça dans le texte, en VO, mais des phrases qui sont quand même assez épiques. Alors j'en ai une qui me revient en tête. C'est au début du film où il fait du genre « Tu rayes ma voiture, je te coupe les roupignoles. » Mais juste... mais genre, ça fait le genre de phrase, tu sais, du... Maintenant, t'entends une phrase comme ça, c'est dans un nanar, quoi. Oui. Ouais. Et là, c'est dans un film des années 4, enfin, un film... Ouais, après, la culture a changé entre-temps, etc. Aussi, enfin, ouais. Donc, à l'époque, à mon avis, sur les mots vulgaires, je pense qu'ils étaient à l'époque un peu plus réservés, quoi. Alors que maintenant, c'est plus libéré, quoi. Donc... Ah bah maintenant, on n'hésiterait pas à utiliser ouais le terme couille plutôt que roubignole, ça c'est clair. Oui. Voilà quoi, donc. Mais en VO, la phrase est respectée parce que c'est I cut your balls, donc ouais, ce qui veut dire la même chose, quoi. Sauf que bah ouais, mais c'est vrai qu'en anglais le terme balls, ouais, c'est un petit peu péjoratif, mais c'est pas non plus comment dire, c'est pas non plus un terme ouais, un gros mot tel qu'on peut l'entendre si on employait le terme couille en France, quoi. Mais mais dans les formes, ouais, c'est respecté, mais il y a plein de punchlines dans le film, il y en a plein, c'est énorme. Et même en VO c'est mais voilà, c'est l'archétype du ouais, justement, des films des années 90 avec des punchlines bah, qui sont bonnes ou mauvaises, mais assez régulières, quoi. C'est vrai que il y a un côté ouais, dialogue un petit peu poussé, surtout sur les films d'action comme ceux-là. où on a des pilotes, donc des hommes qui doivent être un petit peu rustres, et c'est vrai que ouais, les punchlines sont un peu sévères, mais c'est amusant. Elles sont magnifiques, ces punchlines. Ça correspond bien à l'époque, c'est assez bien fait. Même après, alors pareil, ça on va revenir au doublage, mais même le jeu des acteurs fait très années 90 quand même. Ah oui. Je sais pas comment dire, il fait très naturel un peu. Maintenant tu regarderais, maintenant les, tu vois, il y a eu un changement, c'est le changement d'époque qui fait que c'est assez épique, quoi. Les acteurs et même le montage, comment c'est filmé, tout ça, c'est assez bizarre. C'est des scènes qui sont interminables, t'as d'autres trucs où tu t'amuses plus. Enfin, c'est, il reste pieux, il a vieilli assez mal, ce film, je trouve, à l'image en tout cas, et tu le sens dans les, dans le jeu des acteurs. Enfin, il transpire vraiment les années 90 de fond en comble. Ah bah c'est net dans le montage, tout. Ouais, c'est vrai que ouais, on prend le temps sur certaines scènes qu'on va trouver désormais assez inutiles. Et après ouais, c'est caricatural. Bah même simplement la relation de Tom Cruise et Nicole Kidman. Il y a des scènes où tu fais non, ça c'est plus possible, c'est absolument plus possible, ah oui, actuellement, quoi. Même pas seulement avec Nicole, mais je pense à la scène des flics, quoi. Je pense que ça passerait plus, quoi. Oui, tout à fait. La scène des quoi, t'as dit? La scène des flics, tu te souviens pas? La scène des flics. Après la première victoire, qu'ils sont arrêtés la nuit pour soi-disant une contrebande. Oh oui. Bon, c'est bon. Attends, on va juste raconter vite fait la scène pour ceux qui n'ont pas écouté le film. Alors c'est comment ça s'appelle? C'est Alors, tout simplement, il y a Cole Trickle qui vient juste de remporter sa première victoire. Sa première course à Darlington. Donc là ils sont dans leur camion de course en train de revenir, hein, donc à leur base, quoi, tout simplement, à parler de tout et de rien. Puis tout d'un coup on entend les sirènes des flics, ils se font grosso modo garer sur le bas-côté, etc. On check un peu, oh, contrebande, etc. Et là bizarrement t'as une... la policière bien toute sexy qui... Bah, comme ils disent dans le film, il va franchement avec... Il y a une belle punchline à ce moment-là aussi, où elle dit il y a détention de... Quand elle lui tâte les parties, quoi. Ouais. Il y a un moment, elle dit détention d'armes, un truc comme ça. Mais non, quoi. Il attend les autres mecs derrière qui rigolent, mais genre en mode c'est trop drôle. Tu fais non, d'accord. Non, mais ça manque ça parfois dans certains films. Ouais. Oui, c'est drôle de temps en temps. Voilà, la fille est pas mal aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est que t'as bien envie d'être à la place de Tom Cruise. C'est vrai que, et en plus, ça met le, et en plus, y a rien de, ouais, de, ça met la femme en position forte. Donc, ce qui est pas plus mal. Ça nous change de, par rapport, justement, à d'autres films. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu, c'est peut-être un petit peu très forcé, mais c'est vrai que ça manque un petit peu dans les films actuels où tout est parfois un petit peu trop propre, justement, entre la relation homme-femme. C'est vrai que là, de voir une femme forte, dominante, et abuser sur une situation comme ça, ouais. Mais c'est assez épique. Il y a une autre scène qui est assez épique et qui a un rapport avec cette phrase. C'est quand Tom Cruise il s'est pris un accident lors d'une course et qui se retrouve à l'hosto et qui est complètement dans les vapes. Et je vois pourquoi. Donc c'est. Ah bah, il prend le docteur pour. Et il est persuadé que c'est encore une vanne que lui ont fait les gens de son équipe. Alors pareil, il fait c'est une détention d'armes. Enfin, il la drague, mais genre c'est pas plutôt là que vous vouliez inspecter, docteur, Oui, en mettant les mains sur les parties. Ouais, tout ce qu'il a intégré, c'est parce qu'il avait un traumatisme crânien, donc c'était plutôt vers les yeux, ce genre de choses, etc. Quoi. Donc pour vérifier si au niveau nerveusement ça allait mieux, en fait. C'est vrai que là, c'est de l'humour un peu graveleux. Ouais. C'est bon enfant. Mais, ouais. Et puis après, quand tu vois qui dit juste après. Non, vous inquiétez pas, on s'y habitue, au bout d'un moment, tu dis what? ah ben désormais tu te retrouveras avec une plainte aux fesses, quoi. Ah ouais, c'est clair, quoi. Alors qu'il y a juste méprise à la base, mais non, c'est vrai que ouais, ça tape fortement cliché, mais sinon. Sur le film, parce que autant l'avouer, tous les trois on aime plutôt le sport auto. Oui, on va pas se le cacher. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai regardé à la base, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, c'est quand c'est toi Aldra qui m'a dit de le regarder, et ouais. Quand mon cousin américain me l'a donné, et qu'après j'ai cliqué en plein milieu du film et j'ai vu une course automobile, j'ai fait d'accord, donc ça m'étonne pas de toi. C'est vrai que je regarde beaucoup de films. Ah ouais. Ah, t'es un cinéphile, ah ouais. T'es un cinébord, hein. Ah ouais, je dois taper quoi, les 2 films par an peut-être. Voilà, donc là ouais, au moins. C'est bon, mais je me suis dit que c'était cool quand même, et bon, c'est un bon. Mais je vous avoue que même si. Alors, il y a plein de trucs qui vont moyennement dans ce film, donc on a parlé de l'image, du truc un peu graveleux, où c'est pas mauvais, mais ça te met pas. T'es pas à fond dans le film, mais pour autant, j'ai passé un bon moment. Le film dure 1h45 à peu près, et j'ai quand même pas vu le temps passer, quoi. Moi, au contraire, j'étais vraiment totalement dans le film. C'était dans la petite bulle, quoi, si tu veux. La nuit, je voyais rien à côté, quoi. Donc, Je sais que moi, ouais, non, c'est pareil. Je dévore beaucoup de films, donc ouais, j'ai vu l'évolution des films. C'est vrai que quand je l'ai revu, il y a certaines choses qui m'ont choqué, mais je me suis dit ouais, c'est un film des années 90. Par contre, je trouve que tout ce qui est implémentation NASCAR, je l'ai trouvé vraiment bien, quoi. Ouais, c'est ce que j'avais noté, c'est que même en vu que je me suis vraiment mis sur la NASCAR assez activement cette année, et je suis aperçu que tout ce qui était NASCAR en fait était totalement dans le moule. Tu remontes que justement il n'y a pas vraiment eu de gros changements, il n'y a pas de repères que tu pourrais faire encore cette année. Bon, il y a deux trois petits trucs qui vont pas, bon, mais bon, c'est à la limite un peu normal, parce que bon ça reste un film. Ouais, mais bon, parce que celui qui me fait un tour d'Daytona en 30 secondes, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui a conduit. Attends, on va juste préciser un tout petit peu. Le NASCAR, donc c'est une discipline de course automobile qui existe encore. C'est des courses sur des circuits en ovale avec des voitures. Alors ça ressemble pas à une Formule 1, mais ça ressemble pas aux voitures que vous voyez sur la route. C'est une voiture fermée, mais type berline. En fait, c'est des c'est des châssis tubulaires. Enfin, on voit à peu près le châssis à un moment dans le film. Mais les trucs de tôle que tu mets à l'extérieur, ça représente vraiment les bagnoles, les type berline américaine, sauf qu'ils ajoutent 2-3 petits trucs, etc., pour ajouter de l'appui, enfin des trucs spécifiquement aérodynamiques, etc., pour côté de bagnole performante, en fait. Et oui, le moteur, qu'on n'y a pas du tout, une berline aussi, également, quoi. Et j'ai une scène qui me vient en tête, qui est assez épique d'ailleurs, où c'est donc ils vont faire la course, je crois, et tu vois le châssis de la voiture, donc sans la carrosserie, et c'est le manager de l'équipe, donc Tim, qui parle à la voiture, mais genre il lui parle comme un gamin, tu sais, en lui donnant du genre. Alors je vais te mettre cette pièce là, comme ça t'iras un peu plus vite. Moi j'ai pas trouvé qu'il parlait comme un gamin. Mais comme une dame. Tu sens qu'il est passionné en disant mais ça fait un peu genre oh, je vais te gâter, je vais te peaufiner, je vais te. Comme ça tu seras bien, tu seras rapide, alors que. C'est une voiture, quoi. Ouais, non, mais moi ça m'a pas du tout choqué, parce qu'en fait le gars, tu sens que tu vois, c'est un gros constructeur de bagnole, etc., quoi. Que c'est vraiment son gros dada, lui, il rêve que de faire ça, de voir le truc totalement peaufiné aux petits oignons, etc., quoi. Et ça m'a pas du tout choqué, quoi. Donc, j'ai tout vraiment trouvé le truc qui collait parfaitement, en fait. Donc, C'est le passionné extrême, hein, ça c'est net. Hein. Mais moi je sais qu'à l'époque, j'avais raconté je l'ai vu dans les années 90, donc j'avais 14-15 ans, et on voyait pas NASCAR. on avait des résultats sur parfois des grandes courses prestigieuses en NASCAR, c'était dans Stade 2 et on avait 2-3 images et tout quoi. Et je sais que ça a été idiot, mais quand j'ai vu le film la première fois, le fait de voir le châssis tubulaire, ça peut paraître normal désormais à tout le monde, mais sauf qu'à l'époque j'étais déçu de me dire mince, c'est pas une vraie voiture. c'est très bête, mais c'est vrai que j'ai fait mince, en fin de compte une NASCAR, non, c'est juste un châssis tubulaire. Et même ça, j'avais trouvé ça hyper simple, parce que même début des années 90, soit l'apparition des châssis carbone était un petit peu présente en Europe, et j'avais trouvé ça, ça m'avait un petit, ouais, ça m'avait choqué de me dire que ouais, c'était pas des berlines de base. Et, non, c'est l'aspect extérieur ressemble plus à une berline de base, c'est tout. Ouais, voilà, c'est comme beaucoup de voitures de course maintenant qui ressemblent au en rallye, ça ressemble à une voiture que tu vois sur la route, mais ça en dessous, ça a rien d'une voiture exactement. De route. Hein. C'est tout à fait le même esprit. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Ça reste juste, ouais, du tubulaire. Et mais je sais que bêtement, mais ouais, j'avais une quinzaine d'années, n'ayant pas jamais vu de course de NASCAR en réalité, quoi. Ça m'avait, ouais, ça m'avait choqué, quoi. J'ai fait mince. Et un mythe s'envolait, quoi. Mais bon, on n'était pas aussi bien informé que désormais. Hein. N'importe qui, ouais, c'est désormais. Si tu t'intéresses un minimum à la NASCAR, tu peux en voir facilement et tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était. Et moi, le film m'avait plu aussi. À l'époque, bah, c'était ça, parce que c'était un sport. Moi, voilà, je suis manceau, donc on avait les 24 heures du monde. Mais c'est vrai que la NASCAR, qui était en rivalité, c'est. T'avais le sport américain. Ou les 500 miles d'Indianapolis ou autre, qui était en fin de compte, ouais, le point de rivalité en course automobile avec Le Mans, mais on voyait ça d'un œil très très très éloigné, et là, ouais, ça m'avait passionné de voir comment est-ce que ça se passait réellement au sein de la NASCAR. Moi, j'avoue que bah, à l'époque, n'ayant pas vu de course, j'étais un petit peu surpris, et quand là, je l'ai revu, et désormais que je suis la NASCAR très régulièrement, je me suis dit, ouais, il tapait dans le juste, quoi. C'était une très belle représentation, quoi. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas été gâté. Bah même, je vois, par rapport au film Le Mans. Bah, Le Mans, il reste un bon film. Mais c'est vrai qu'après, on a eu quoi, le dernier Michel Vaillant. C'est vrai que Michel Vaillant. Il y a eu Rush pour rattraper le coup, ouais, même, voilà. Dans les films de course automobile. Exactement, exactement. Rush reste ouais, vraiment un film absolument... Tiens, ça serait pas bête, ça. Tu donnes une idée. Mais d'ailleurs... Pour faire un rapprochement entre Rush et les Jours de tonnerre, la musique est faite par Hans Zimmer dans les deux films. Alors, peut-être que ça a fait que j'étais pas très vieux dans les années 90, mais t'as du mal à reconnaître du Hans Zimmer dans l'idée. Sur la scène de fin, où c'est genre la scène où t'as plein de tensions, c'est la course finale, où faut gagner et tout, t'as une bonne musique du genre de pression. Mais c'est pas de la genre de la bonne musique épique à Hans Zimmer, je trouve. Ça fait très, je sais pas, ça transpire trop années 90 pour ça. Ça manque de Hans Zimmer derrière. Même si c'est lui, dans l'image que j'en ai de sa musique, ça ressemble pas, je trouve. Bah moi, j'étais bien content justement de réentendre du Hans Zimmer des 90, parce que sincèrement, maintenant, j'en ai marre du symphonique à extrême zimmerien dans les films, parce que maintenant on en a partout, limite dans une comédie romantique, si le mec se met à courir dans la rue, voilà, on a droit du on a droit à la grosse musique épique symphonique et tout, et ça commence vraiment à devenir rageant, parce que même Hans Zimmer maintenant on pense qu'à ça, on pense que qu'à l'orchestral, alors que là justement. Et puis il fait beaucoup de films maintenant, quand tu vois qu'il a fait genre Chappie, qui est un bon film, mais ça valait pas forcément le coup à ce qu'il fasse de la musique dessus, quoi. Voilà. Interstellar, encore, la musique est bien, mais il fait un peu trop de tout, peut-être. Ouais, j'ai l'impression qu'il fait vraiment beaucoup, qu'il touche un peu à tout. C'est peut-être sympa pour son expérience, sa carrière, mais... On le voit beaucoup, j'ai l'impression. Bah, on l'entend beaucoup trop. Ouais. Oui, c'est ça. Et en plus, le pire, c'est que comme c'est le musicien qui marche, bah, le souci qu'on a, c'est que bah, les autres font aussi du Zimmer, quoi. Ouais. Et ça devient, ouais, un petit peu... ça devient lassant. Alors que justement, il fait une démonstration dans les années 90, où justement, quand il a vraiment commencé à vraiment bien se faire connaître, dans les années 80-90, où il a tapé plein de styles différents. Et là, par exemple, dans Jour de tonnerre, bah justement, si on te dit pas que c'est du Hans Zimmer, Voilà, tu aurais pas cru quand on va te le dire, tu vas faire ah bon, sérieux? Ben non, c'est pas des compositions zimmeriennes telles qu'on les entend désormais quoi. Un peu trop, ouais, un peu trop souvent quoi. Ouais, je trouve que depuis Gladiator, ouais, c'est. Mais là, ouais, de le entendre et de me dire ouais, d'accord, c'est Zimmer, mais justement avec des sonorités années 90, c'est là où tu dis ouais, il y a une vraie évolution. C'est là où je trouve même qu'on peut reconnaître mieux le talent de Zimmer en voyant des films comme cela, où on se rend compte que le mec avait une gamme plus importante dans les musiques. Il pouvait changer et te dire ouais, il a une vraie évolution, mais maintenant il est un petit peu figé quoi. Quand on lui demande quelque chose, bah voilà, le format est un petit peu trop fort, mais la musique est agréable. Par contre, oui, c'est clair. Si vous aimez le synthé, et vous allez en avoir. Mais la musique est présente, mais justement, je la trouve bien, bah, bonne, parce que on se rappelle de la scène et la musique ne devient pas entêtante et ne prend pas le dessus. Non. Elle l'accompagne parfaitement bien. Et non, c'est Ouais, elle aide parfaitement à totalement te plonger dans la scène et justement et être en plein dans l'action ou la non-action, ça dépend de la situation, quoi. Mais c'est pas, elle est bien équilibrée, marquée dans le style, mais bien équilibrée. Non, et la réal est propre. Justement, pour ceux qui aiment la course automobile, les scènes de course, elles sont, moi, je les ai trouvées vraiment bien filmées. Moi, je les ai trouvées plaisantes. Pas, bah, il y a un petit peu d'exagération. On est Un tout, un petit peu. un peu beaucoup par moment. Ouais, Oui. c'est sûr que de temps en temps il y a des trucs qui font un peu du what the Bah fuck, mais voilà, on reste dans ils en font un quand même pas mal film. de caisses sur certains points, mais Ouais. ouais, ça passe quand même bien. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu là que sont passés une bonne partie des 70 millions de dollars. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas à dire, il y a de l'acteur français, il y en a pas mal quand même, donc. Oui, c'est clair, parce que là, ils ont fait une représentation des Big One, qui sont les gros accidents sur Oval. Ils sont plutôt bien faits. Après, c'est clair que quand ils filment pilote en intérieur ou autre, tu dis ouais, c'est un poil, ça tape un poil à but. J'ai une référence qui me vient, c'est justement quand t'as, j'ai oublié son prénom, Cole, Oui. qui est dans plusieurs courses, il y a Cole et un autre pilote qui sont ennemis. Et quand t'as l'ennemi qui vient taper dans l'arrière de Cole, ce qui me fait trop rire, c'est qu'à chaque fois il se prend coucou dans le rétroviseur, tu vois. Tu sais, genre, il y a un plan où tu vois la voiture qui vient taper l'autre à l'arrière, et après, il y a un plan sur le pilote de la voiture de derrière, et il fait genre, coucou, c'est moi! Ouais, c'est ça qu'il voit qu'il fait assis, Mais etc. il y est plusieurs fois, mais juste ça, c'est trop drôle, Et quoi. d'ailleurs, en parlant de running gang, je crois qu'il n'y a pas Ouais. une course où tu vois pas Cole qui essaye de dépasser un pilote par l'extérieur et qui au final frotte Oui. le mur extérieur, quoi. C'est ça aussi, ouais. Je pense Avec qu'au le niveau plan où la... de la bonne, je crois qu'il n'y a pas une seule course où tu as eu le côté droit qui est revenu intact. C'est pas faux. Avec le plan, t'as la voiture qui est entre le mur et une autre voiture en train de zigzaguer du genre, oh, est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va percuter? Et tout, c'est des courses sympathiques, mais ouais, ils ont quand même pas mal de caisses sur certains plans, quoi. Ah C'est bah, une part en tête à queue, normalement ouais, tu fais un 720, on va dire grand maximum, tu fais un 720, et là tu te rends compte que le mec il te fait ouais quasiment 7-8 tête à queue d'affilée, chose qui Oui, est c'est très drôle humainement, ça aussi. c'est humainement pas possible, bah Ouais, physiquement il quasiment pas récupère possible. et il est encore à Oui. vitesse de course, c'est ça qui est abusé. Voilà. Bah, en plus il est à fond de rapport et hop vas-y je te descends à rapport, le moteur il tient, allez vas-y on relance. Tu sais que ouais, là il y a toutes les chances à ce qu'il ouais, il y a 95% de chances qu'il ait peu il explose en même temps son moteur et tout. Ouais. Et surtout qu'après derrière il peut pas rouler parce que ses pneus Ils sont morts, ils quoi. sont morts, on a créé Ouais. un plat dessus donc ils sont morts. Mais voilà, c'est le côté épique L'arrivée des stands à marche arrière est pas mal aussi. Oh oui! Je sais pas pour quelle raison il rentre dans l'histoire de marche arrière, mais genre pépère quoi, Non, parce qu'il tranquille y a alors un petit que. souci mécanique, donc il doit réparer vite fait en fait, et il marche en marche, il vient de faire un tête à queue, donc il retourne en marche arrière pour gagner du temps si tu veux. puis juste avant son storm, il se fait un tête à queue, enfin, contrôlé, et il arrive pile dans son emplacement, tu dis. Ouais, c'est pas cool. Ah, mais c'est Tom Cruise, attends. C'est un pilote professionnel. Il peut tout faire. C'est un surhomme, il peut tout faire, quoi. Ah bah, Tom Cruise, ouais. Ah ouais, je peux tout faire avec une voiture de course. Bah, c'est Tom Cruise, hein. Tu sais, aux États-Unis, t'as Superman et t'as Tom Cruise, hein. Les deux sont au même niveau, hein. Désormais, c'est clair, mais. Ah, c'est abusé, mais bizarrement, quand je vois le film, de tel abus, qu'on dirait, les trois peu moins dérangeants. Ouais, tu les oublies, tu arrives à rentrer dedans. Oh non, ouais. En fait, il y a tellement d'oublis qu'au bout d'un moment, tu fais bah, pas grave, ouais, voilà. Bah, on sait que ça va être un blockbuster et on se ferme un petit peu le cerveau. C'est on peut le déconnecter un peu, ouais. Oui, je pense. C'est, ouais, mais c'est ça, parce que si tu faisais des analyses purement très strictes côté NASCAR, quoi, tu dirais, tu vois les gros accidents, t'aurais depuis longtemps, t'aurais eu le drapeau jaune levé, t'aurais pas eu des conneries qui seraient apparues par la suite, les réparations faites aussi rapidement, c'est pas possible, enfin, t'aurais plein de conneries qui seraient pas possibles au final, quoi, donc. Mais ça passe quand même. Ah ouais, c'est ça, quoi. Tu te mets devant, tu. Un petit bol, tu te mets condition les 90, un petit bol de popcorn et. Et vas-y pour le fun. Ouais, c'est parti, ouais. Et au final, tu prends pas un mauvais. Ouais, je pense pas qu'on le regrette. T'as passé un moment agréable. T'as vu des choses qui t'ont fait sourire, d'autres que tu trouves abusées ou kitsch. Mais je pense que c'est vraiment le genre de film que. Ouais, moi personnellement, je le conseillerais. Si vous aimez un petit peu le sport auto, si vous faites non plus, vous n'êtes pas des. Vous aimez un peu le vroom vroom, on peut dire, pour résumer. Voilà. Vous aimez le vroom vroom, Tom Cruise, vous avez envie de voir un film calibré années 90 avec. Je conseille plutôt la VO, sincèrement, plutôt que justement le doublage VF qui peut faire un petit peu mal aux oreilles. Non, tu passes un bon moment. Voilà. Et les scènes de course, c'est plutôt des scènes de course mouvementées, c'est pas des périodes chiantes, quoi. Donc au final, c'est pas comme tu regardes une vraie course de NASCAR avec ses 400 tours où de temps en temps t'as vraiment des courses pour l'heure d'attente, quoi. Donc, c'est pas du Driven ou du Michel Vaillant, quoi. Mais c'est un film plaisant si vous intéressez un minimum, parce que c'est le dernier film sur la NASCAR. Ensuite, derrière, il n'y en a pas eu d'autre qui a été tourné. Bah, les courses automobiles, comme on l'a dit, ça a pas été très bien vendu quand même. Oui, c'est clair. Heureusement, on a eu Rush. Si vraiment vous voulez un film vraiment plaisant, et aussi on peut conseiller, ouais, dans la même veine, un Rush, qui est vraiment un très très bon film, pas simplement du fait qu'il parle de F1, c'est que l'histoire, les scénarios sont très bien faits, les acteurs sont absolument très bons. Oui. Et donc si vous voulez faire une petite rivalité Europe-États-Unis, bah un petit jour de tonnerre et ensuite un petit Rush, et là vous avez la soirée parfaite, quoi. Ouais, c'est quand même plutôt épique, ouais. Et donc au final, vous le conseilleriez. Oh, et ben, vous conseilleriez. Oh là, articulation. Vous avez un avis favorable, vous, Très favorable. Ouais. Pour... Oh, vas-y. Moi, très favorable, parce que au final, la NASCAR est comme, je dirais, pour Rush, c'est juste un petit support, quoi. Donc, ça pourrait totalement être du Fast and Furious, enfin, déjà des courses urbaines, ça aurait été plus ou moins le même principe, plus ou moins, quoi, donc, Ouais, donc au final, c'est quand même un bon moment, c'est plus type action que course auto, au final, quoi, donc, Et tu conseilles? Ouais. Moi, pour ma part, pareil. Je passe un bon moment devant. Après, il y a un petit coup de revival, justement, de cette période où, ça me donne un bon petit coup de en souvenir, mais non, c'est pareil, je le trouve vraiment pas désagréable comparé à plein d'autres films, absolument pas désagréable, et je le conseille aux gens. Voilà, et en même temps de voir un Tom Cruise jeune et une Nicole Kidman pareil jeune, ça vaut aussi le coup, quoi. Et un bon Robert Duvall. Je sais pas, j'ai un faible pour cet acteur-là, donc plaisir de le voir. Test score, juste pour info, parce que j'ai regardé un peu à mon ami Wikipédia. C'est pas le dernier film sorti sur la NASCAR. Ah bon? Ah oui. T'as un truc qui est sorti en 2006, Ricky Bobby, roi du circuit. Ok. Il a un très bon nom déjà. Déjà rien que le titre. Ricky Bobby. Roi des circuits. Ça donne envie. Là, j'avoue que. Et tu m'intrigues et je me demande même si je vais pas essayer d'y jeter un coup d'œil. Mais je crois que les yeux vont saigner. Hein. Ricky Bobby. Oh là là là là. Ricky Bobby, roi des circuits. Alors ça. Là, ça demandait du quoi. Mais bon, bah pour ma part, le film, je le recommanderais quand même. Enfin, ouais, pour si vous aimez de temps en temps en revenir un peu dans les films du genre années 90, un peu ancien, mais un peu léger, mais en même temps avec des courses automobiles plutôt sympas. C'est quand même agréable à regarder. Hein. Bah, comme je disais, j'ai regardé. Au début, je me suis dit, je vais peut-être pas m'emmerder, mais il trouvait un peu le temps long, puis au final, il passe plutôt bien, donc c'est un conseil, si vous aimez un peu tout ce qui est course automobile, tout ça, vous allez quand même pas vous ennuyer. C'est plutôt rythmé, c'est plutôt sympathique quand même. Mm-hmm. Donc, ouais, on met un Seal of Approval par à l'affiche. Oui, pas ouais bref on peut lancer l'idée de approuver par l'affiche ouais c'est pas trop mal comme concept. Le seal of quality à l'affiche. Allez, c'est tamponné. Ok, donc on valide. Et donc bah sur ce, bah je vais, merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à vous Aldrest et Fcor d'avoir été de m'avoir accompagné durant ces 40 minutes d'émission. C'était un vrai plaisir pour moi. De même. Comme d'habitude, là, venir, on touche notre gros chèque, donc c'est un vrai bonheur à chaque fois. Ouais. Vas-y. On se reverra pour Ricky Bobby. Ah, oh, mais il faut qu'on le fasse. On a fait un. Il faut qu'on le fasse, ça a été le petit, là. Ah ouais, en plus, ah, c'est un film de Will Ferrell. Ah, c'est une comédie. Ouh. Et alors là pour les auditeurs, juste le petit teasing de l'histoire. Alors Ricky Bobby est devenu un héros national grâce à son nombreuses victoires dans la course automobile. Avec Cal, son ami d'enfance, ils se partagent en toute loyauté la première et la deuxième place du podium. Et l'arrivée d'un Français réputé dans le monde de la Formule 1 va venir troubler la compétition et remettre en cause leur suprématie. Ça pue le nanar à plein nez quand même. Ah bah ouais, avec du Will Ferrell bien lancé. Là, ça risque d'être la comédie bien lourde avec les bons clichés. Même le cliché du français, je crois que je m'attends au pire. Quoi. Là, ça le béret et la baguette de pain. Oui, je pense. En plus, le sous-titre du film, c'est quand même Ricky Bobby, roi du circuit. No breaks, no brain. Voilà. Oubliez pas de déconnecter votre cerveau avant de le regarder. Quand même. Je pense que ce sera plus sympa. Ils sont gentils de prévenir, mais. C'est ça. Mais non, ouais, non, ce fut un plaisir d'être avec vous. Et bah, j'espère pour la première Aldra, c'est pareil, non? Ouais, c'était nickel. Donc, bah, un petit tour où est-ce qu'on peut vous retrouver avant de finir cette émission. On va commencer par Aldra. Pas moi me retrouver. Je sais pas, un compte Twitter peut-être si, ouais, un compte Twitter, pas Facebook, non, parce que Facebook, on n'en parle pas. Twitter, c'est Aldra Elonal, quoi, donc Aldra Elonal. Et Steph Core, où est-ce qu'on te retrouve, soit même si les gens le savent sans doute déjà. Bah sur Twitter @StephCore, donc aussi simple, à trouver. C'est juste là où je suis présent. Même si j'avoue que là je traite pas trop en ce moment sur Twitter. Bah c'est des phases, hein, c'est amour haine entre les réseaux sociaux et soit ouais. Ça arrive à tout le monde. Et ça, Steph Core, il a des paroles de moi je suis présent, de moi je suis pas présent. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va être quelques semaines. Je vais être présent pendant pas mal de mois et après un petit une semaine 15 jours où tu te coupes un peu des réseaux sociaux, ce qui est pas désagréable. Mais ouais, c'est le seul endroit où on va me trouver actuellement. Et vous, actualité. Oh là, alors on me retrouve dans Gamecraft tous les jeudis soirs en live sur YouTube sur la chaîne de Kenton57 ou disponible en podcast dans la nuit du jeudi au vendredi chaque semaine. On me retrouve également dans La Chèvre Comes animé par l'ami Péremptoire, qu'on salue. Et on nous retrouve aussi dans un délire à la con qu'on a lancé un samedi soir il y a 2 semaines en s'emmerdant, qui s'appelle SAV Podcast. Alors c'est SAV Podcast au pluriel, .podcloud.fr, où vous connaissez le service après-vente des émissions. Bah là, c'est des podcasts. Voilà, c'est une bonne définition, je pense. Et on s'ennuie, on s'emmerdait, donc c'était drôle. Et je vais conclure avant de finir de m'étaler sur où on me retrouve, en me disant qu'on me retrouve aussi sur mon Twitter, @oasis35. Et vous pourrez retrouver également donc toutes les missions donc sur le site alafichepdc.fr. Vous retrouvez également sur le compte Twitter @alafichepdc, tout attaché. Et on est également diffusé sur Pod Radio, sur le canal Gamma, le mercredi à 20h et le dimanche à 8h. Donc bah voilà toutes nos actualités, l'actualité de l'émission. Merci aux Légas de nous avoir accompagnés, merci à vous de nous avoir écoutés. Je n'ai pas de musique de fin pour cette émission, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, donc on va faire un petit outro assez sympa, assez simple, assez léger. Et non, tu veux faire Sideways, je sais pas. J'ai pas compris. Bon, je pensais à lancer un thème de la Fox. Sur de la NASCAR. Ouais, Sideways par exemple, qui est plutôt pas mal quoi, donc... On verra ça en off après l'émission, mais pourquoi pas, c'est une bonne idée. Je passerai le lien, t'inquiète. Et vous aurez tous les détails dans les commentaires de l'émission. Sur ce, merci de nous avoir écoutés, et puis rendez-vous à la prochaine émission. Salut. Ciao. Racing day, so loud out here I can't hear a thing. Man, the fans are going wild. And these drivers came to rock, and no place else but Fox knows how to do it NASCAR style. Boogity, boogity, boogity, let's go racing, boys. Hey, now, here we go, race day. Don't you be going slow. Keep that pedal down on the floor. Push it to the crowd, can't take no more. Then, hey, since the flag came down, be heard. Last lap around.